Put your hands together one time. Bonjour chers amis et bienvenue à Entrepod, l'émission culturelle de FrenchPod, où nous allons parler de tout ce qui touche de près ou de loin à la culture francophone. Alors dans les Entrepods précédents, nous avons déjà parlé pas mal de la côte ouest française, on a évoqué La Rochelle, la Normandie, le Pays Basque, et aujourd'hui, pour ne pas déroger à la règle, nous allons parler d'une des plus grandes villes de France, qui est aussi une couleur en français, vous avez peut-être deviné, c'est Bordeaux. Alors, pour ça, j'ai invité une très bonne amie qui s'appelle Marion. Bonjour Marion. Bonjour Amaury. Comment ça va ? Très bien, merci. Et toi ? Très bien, ça va. Je passe une bonne journée. Donc, je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui, puisque je crois que tu es originaire de la ville elle-même, non ? Oui, tout à fait, car je suis née à Bordeaux. J'ai fait mes études là-bas, donc c'est une région que je connais bien, en effet. Et toute ta famille est de Bordeaux ? Et ma famille est originaire de Bordeaux, oui. Ok, d'accord. On va d'abord localiser un peu la ville et sa région, parce qu'on va peut-être pas parler que de la ville en elle-même, mais un peu de la région aux alentours. Bordeaux se situe dans le sud-ouest, en Gironde tout d'abord, le département de la Gironde, qui se situe dans le sud-ouest de la France. Est-ce qu'on peut dire que c'est sur la côte atlantique ? Oui, on peut, oui. Bordeaux se trouve à une demi-heure de la mer. C'est l'avantage de la région, la mer est à proximité, également les Pyrénées. On peut facilement aller à la plage en une demi-heure, à la montagne en deux heures, et c'est ce qui rend cette région particulièrement attirante pour les touristes qui cherchent des résidences secondaires. Ok, et quoi, il faut deux heures pour aller dans les Pyrénées ? Oui, deux heures et demie. C'est excellent. Oui, c'est génial. D'accord. Je crois que la ville est également un port. Oui. Et depuis longtemps d'ailleurs. C'est une ville qui a pas mal de passé, non ? Oui, c'est une ville qui a, on peut le dire, construit sa richesse grâce à son port, par divers commerces. Et c'est ce qui en a fait une ville très riche à partir du XVIe siècle. D'accord. On dit de Bordeaux généralement en France que c'est une ville assez riche. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Tout à fait d'accord, oui. On dit que c'est une ville bourgeoise. Il y a des grandes familles avec des grands châteaux, des grandes propriétés qui entretiennent le côté traditionnel de la ville. Et la richesse, bon, on peut le dire déjà maintenant, la richesse de la ville vient de son port, comme tu disais, et aussi du négoce de vin. Oui, tout à fait. Le négoce de vin qui est une des particularités qui ont fait que Bordeaux est une ville qui est internationalement connue. Ouais, on va revenir là-dessus. Donc on a vu, c'est près de la mer. Il y a aussi une rivière qui passe. Il y a la Garonne. Ok, donc on a d'un côté cette rivière qui traverse la ville, qui donne accès très rapidement sur la mer. Tout à fait. Et la côte qui est pas loin. On a quel climat à Bordeaux ? Bordeaux profite du Gulf Stream, c'est-à-dire que le climat là-bas est relativement doux par rapport au climat de la France. Le climat est très agréable. Ouais, il ne fait jamais vraiment très froid. L'été, il y a pas mal de touristes, avec la plage qui est pas loin. Oui. Il y a pas mal de stations balnéaires qui sont pas loin. Il y a beaucoup de stations balnéaires à Bordeaux, oui. Enfin, aux alentours de Bordeaux, qui sont assez agréables parce que c'est des plages de sable fin. Pas dans la ville directement ? Non, pas dans la ville directement, non. Où il y a des spots pour surfeurs, il y a des spots pour naturistes. Ah ouais ? Toutes sortes de plages différentes et toujours dans un cadre très sympa. T'es plutôt spot surfeur ou spot naturiste ? Oh, bah, ça dépend des fois. Non, je plaisante. Ouais. Donc tu dis que tu as vécu une vingtaine d'années, c'est ça ? Oui. Ouais. Et donc t'allais souvent à la plage en partant de chez toi ? Enfin, c'est là que tu partais en vacances près de chez toi ou simplement le week-end, tu partais à la côte, quoi ? Ça dépend. Soit je partais pour les vacances en location, deux semaines, trois semaines, ou c'est vrai que le week-end aussi, on peut se faire ça. Même une journée de plage, quand on voit que le temps est beau, on prend sa voiture et en une demi-heure, on a les pieds dans l'eau. Ouais, c'est bien ça, c'est excellent. C'est génial. Moi, j'ai vraiment assez content qu'on parle de cette ville aujourd'hui, parce que comme les auditeurs le savent peut-être s'ils ont écouté Entrepod ou FrenchPod avant, je viens du nord de la France, et j'ai toujours trouvé que c'était une région magnifique, une région aussi de vacances. Et depuis que j'ai découvert cette ville, ça fait 3-4 ans en fait que mes parents se sont établis et que j'ai eu l'occasion d'aller la visiter, j'ai trouvé qu'elle était magnifique. Il y a vraiment de très jolis monuments, très belles choses à voir. Mais Bordeaux est une ville historique qui a périclité pendant un petit moment, mais relativement récemment. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a mis en place beaucoup de rénovations sur les quais, ravalage de façades, aménagement du territoire. Et depuis cet été, Bordeaux est entré au patrimoine de l'UNESCO. Ah d'accord, ça fait partie du patrimoine mondial. Voilà, depuis l'été dernier. Et alors donc, on me disait que la ville est traversée par une rivière, la Garonne. Côté rive droite et côté rive gauche de Bordeaux. Oui, il y a deux parties. Est-ce qu'il y a une partie qui est un peu plus vivante que l'autre ou La rive gauche. Okay. C'est là où il y a la vieille ville, le centre-ville. La rive droite plus à la campagne, c'est moins Bordeaux. Et est-ce qu'il y a des monuments qui marquent à Bordeaux ? Moi, je conseillerais tout d'abord d'aller jeter un œil sur les quais, se balader le long des quais, qui ont été, eux, également réaménagés. Il y a un vieux pont de pierre qui est assez connu. D'accord, parce que c'était là que se trouvait l'ancien port, non ? Oui, donc il y a la place de la Bourse. Récemment également, il y a le tram qui a été mis en place à Bordeaux. Donc on peut se balader en tram le long des quais pour avoir un bel aperçu. Oui, donc je conseillerais la journée d'aller se balader sur les quais. Oui. Il y a également en face de la place de la Bourse un miroir d'eau qui a été créé par un architecte connu. qui permet de voir en reflet dans le miroir d'eau le monument de la place de la Bourse. Ok, d'accord. En fait, là, tu parles un peu de choses un peu plus récentes, mais il faut bien savoir aussi que comme la ville est ancienne, donc je crois que c'est une ville qui a été fondée même avant l'époque romaine, il y a aussi plein de bâtiments qui sont anciens dans la ville. Oui. Avec des bâtiments du 16e, 17e, 18e siècle, et même plus anciens peut-être. Oui, à Bordeaux, on trouve des vieux monuments tels que les portes, comme la Porte Caillot, la Porte Dijot. Il y a des cathédrales anciennes qui sont très jolies. Et c'est quoi ces portes, en fait? Ces portes ressemblent un peu à l'Arc de Triomphe à Paris. À un arche, oui, tout à fait. Ok, d'accord. Et qui étaient les limites de la vieille ville. Voilà, tout à fait. D'accord. Les portes d'entrée dans la ville. Qui restent maintenant? Qui restent, qui sont encore entières, qui sont d'époque, qui restent entières, qu'on peut voir. Ok. Si vous voulez visiter des monuments plus anciens, autour de Bordeaux, il y a la citadelle de Blaye, qui est très connue, qui attire beaucoup de monde. D'accord, donc avant tu parlais un peu du côté touristique de la région, puisque on est proche de la mer, il y a les stations balnéaires pas loin. La gastronomie aussi qui est... Et alors il y a la gastronomie. Donc quelles sont les spécialités de la ville? La grande spécialité bordelaise est bien sûr le cannelé. Oui, donc c'est quoi? C'est un plat assez salé, sucré? C'est un dessert, c'est un petit gâteau en forme de cloche, qui est généralement, pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. C'est comme moi ça. Si je le dis. Ça a l'air d'être un dessert très appétissant. Mais après, est-ce qu'on mange bien généralement? Est-ce que tu trouves que... La gastronomie bordelaise et la gastronomie du sud-ouest, donc évidemment, il y a le foie gras, le magret de canard, le confit de canard, tous ces plats un peu qui viennent du sud de la France. De la région, là. De la région, oui, tout à fait. Et toi, ça te plaît? T'aimes bien la cuisine du sud-ouest? J'aime beaucoup, oui. Donc le foie gras. Le magret de canard. Aussi. Le confit, ouais. Les truffes. Les truffes, ouais. Ouais. Et l'avantage à Bordeaux est que souvent dans les restaurants, on peut accorder son vin au plat qu'on mange. Étant donné que la plupart des restaurateurs connaissent bien les vins français, on peut s'amuser à prendre différents plats avec différents vins. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Donc le restaurateur pourrait te proposer un menu. Et il conseille des vins. Et donc pour chaque plat, il va te proposer un vin différent. On peut faire ça, oui. Ok, c'est excellent. C'est la culture du vin, donc. C'est ça. Donc parce qu'on y arrive quand même, quand on parle de Bordeaux, on pense directement au vin. Oui. Et donc ça fait quoi? Ça fait longtemps qu'on exploite le vin dans la région de Bordeaux? Oui, la tradition du vin est ancrée depuis très longtemps à Bordeaux. Et donc maintenant, est-ce qu'on trouve des vignobles juste dans la ville ou est-ce qu'il y a des vignobles juste à côté ou bien c'est toute une région? Il y a des vignobles tout à fait juste à côté. La plus proche, c'est le vignoble de Pessac. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez y aller, c'est à 20 minutes de Bordeaux, vous traversez le vignoble de Pessac pour aller à la plage par exemple. D'accord. On appelle, ah ouais. Ouais, y a une route qui est assez célèbre pour aller de Bordeaux justement dans la région des plages, qui s'appelle la route des châteaux. Okay. Et par ce chemin, vous passez devant le château Margaux, le château Pape Clément, des grands noms du vin bordelais. Ah ouais, là, écoutez bien Mario, parce que là, ces deux noms qu'elle vient de citer sont vraiment parmi les plus connus dans les vins de Bordeaux. Tu as dit le château Margaux et le château Pape Clément. Et c'est seulement quelques noms parmi d'autres. Évidemment, tu ne pourrais pas tous les citer parce que j'ai vu en fait qu'il y a 14 000 producteurs de vin dans la région de Bordeaux. Et il y a 700 millions de bouteilles qui sont produites par année. Donc ça fait ça fait plus de 10 bouteilles pour chaque Français. Oui, par année. Par année. Oui, c'est pas beaucoup. Ouais, mais c'est pour une région, attention. Ah, d'accord. Donc on voit vraiment que c'est toute la région en fait qui vit un peu pour le vin. Oui, le vin c'est vraiment un segment porteur du dynamisme de la région. Parce qu'en même temps, il y a beaucoup de vins qui sont exportés dans le monde. Qui sont exportés dans le monde de plus en plus. Oui. Et même localement, les Bordelais préféreront toujours, enfin souvent, acheter un vin bordelais qu'un vin australien, même si finalement le rapport qualité-prix n'est pas avantageux pour le vin bordelais. Ok. Le côté traditionnel reste très important dans le marketing du vin. Et... Pas chemin les Bordelais alors? Oui, comme les Français. Ça fait pas de mal parfois. Donc, tout ça doit ramener quand même pas mal de touristes. Il y a des gens qui viennent visiter sûrement les châteaux, non? Oui, la plupart des châteaux proposent des visites avec dégustation à la fin, si vous voulez. Là, en place, récemment, a été montée à Bordeaux une nouvelle entreprise, la Winery, qui propose justement des dégustations de différents... Enfin, des visites guidées de différents châteaux avec dégustation accompagnée de plats. D'accord. Et qui connaît un grand succès. Ok, d'accord. Tu l'as faite? Je l'ai pas faite, mais j'ai une amie qui travaille, c'est pour ça que j'en parle. Pub. Voilà, j'en profite. Donc, avec tout ce vin qui circule, donc je suppose que tu parlais des restaurants où il doit y avoir une carte des vins qui est même... conséquente. Ouais, sûrement. Ouais. Il doit y avoir aussi des petits bars, non? Oui, enfin, Bordeaux a un côté très sympa, un peu espagnol, dans le quartier Saint-Pierre. Ouais. Avec beaucoup de bars à tapas, où vous pouvez déguster des vins, bien sûr, accompagnés de fruits de mer. Parce que bon, on reste quand même proche du bassin d'Arcachon et de la mer. Il y a des bars comme ça où on peut passer, boire un verre, déguster des tapas, un peu à l'espagnol. Ouais, ok. Et des ruelles qui sont composées plus ou moins seulement de bars. Ok. Et donc tu trouves que c'est une ville qui bouge pas mal ? C'est une ville qui bouge pas mal, oui, et qui attire beaucoup d'étudiants. Il y a pas mal d'universités, de bonnes universités à Bordeaux. Ouais. Ce qui fait que ouais, c'est une ville assez dynamique. D'accord. Donc il y a pas mal de musées, de concerts. Oui, il y a pas mal de musées, de concerts, oui. Donc tu as cité déjà plusieurs endroits dans la ville. Je voulais juste te demander maintenant pour terminer l'émission, savoir si toi tu avais un endroit préféré à Bordeaux. Est-ce que ce serait les quais dont tu as parlé ou bien cette rue Saint-Pierre où il y a les cafés? Quel est ton endroit préféré? Pour une journée à Bordeaux, je recommanderais d'aller faire une petite visite dans le vignoble bordelais pendant la journée, d'aller dans un restaurant quartier Saint-Pierre en début de soirée et de finir dans une des boîtes de nuit sur les quais. Voilà, si vous voulez un programme complet. Quand même, on va revenir une dernière fois sur les vignobles. Quand on parle de Bordeaux, cela a donné le nom à une couleur en français, donc qui est proche du rouge français. Mais dans la région de Bordeaux, il n'y a pas seulement des vins rouges. Non. Il y a également du vin blanc. Du vin blanc et du rosé. Et du rosé aussi? Oui. Ah ok, d'accord. Oui, donc moi, mon vin préféré, c'est le vin blanc sec. Je ne suis pas fan du vin rouge, malgré mes origines bordelaises. Non. Non. J'ai du mal à l'avouer, mais bon. T'as pas été éduqué dans ta famille, tu n'avais pas du vin? Si, ma famille, mon père s'y connaît très bien en vin, ma grand-mère est une amatrice de vin également, je suis la seule. C'est désespérant, mais bon, on se refait pas. Et donc, c'est les vins blancs secs que tu préfères? Vin blanc sec. Qu'on trouve dans la région de Bordeaux également? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup le vin, notamment le vin rouge. Oui. Et en particulier Bordeaux, et je suis content que tu aies cité un château qui est un de mes vins préférés, c'est Château Margaux, qui est vraiment excellent. On ne peut malheureusement pas boire tous les jours, parce qu'il est un petit peu trop cher. Ouais. C'est combien une bouteille? Les premiers prix donc, de ce vin commencent à 80 euros, ce qui est quand même assez conséquent. Donc je n'ai pas la possibilité d'en boire tous les jours. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que si vous avez la possibilité d'aller dans la région de Bordeaux, il y a moyen de trouver des vins qui sont très bons et à des prix vraiment très très très corrects. Pour 3 euros, on peut trouver de petits producteurs. Tout à fait respectables. Ouais, et qui font vraiment un vin de très bonne qualité. Oui, c'est vrai. Et je crois que c'est ce pourquoi beaucoup de gens sont contents de passer par cette région et de découvrir cela. Voilà, en tout cas, si vous avez eu l'occasion de passer par un des endroits que nous avons cités, ou si vous avez une question concernant l'émission, n'hésitez pas à venir sur la page de discussion et on se fera un plaisir de vous répondre. Sur ce, je tiens à remercier Marion d'être venue pour cette émission. Et je te remercie de m'avoir accueilli, Amaury. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Au revoir.